Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Chaque semaine, on pénètre dans un poste d'écoute auditif pour déballer des CD, les faire jouer un à la suite de l'autre en ordre de pièce. Et puis on découvre ce qui est très bon, ce qui pourrait finir dans les palmarès de C'est fou, ce qui est très mauvais ou passable et qui devrait finir juste dans la discothèque oubliée avec la poussière dessus. Cette semaine, quelque chose d'assez excitant pour moi, le nouvel album de Run Chico Run, formation canadienne, j'ai bien hâte d'entendre ça. On a aussi reçu Georges Moustaki avec son nouvel album solitaire. Et on commence avec Esker Mika. L'album s'appelle TNT / Conifère. Et tout de suite, voici la pièce Précis de dynamitage pour quelques arbres à abattre. D'accord. Dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Dans un grand champ de falaises, carnage réservera les cortèges. J'entends ta voix. Que t'as peur du froid qui m'isole. Nos corps se sont déliés sous les queues d'écrans. Mais dis-moi, est-ce que tu creuseras de tes doigts les éboulés et les aveux qui me ramène à l'état de naissance. C'est qu'ici, c'est comme un éclos refermé sur soi, en silence, comme déliré dans une camisole de face. Aide-moi, aide-moi, mais dis-moi, est-ce que t'as peur de moi qui m'isole, qui m'isole jusqu'à la fonte des peaux? Est-ce que t'as peur de toi? Mais moi j'ai peur. Le corps de l'homme, le crâne est maillé. du coup deviné le dernier souffle largué. Nous avons vu noyer le corps de l'homme. La formation Esker Mika avec leur album TNT Conifère et la pièce Nous avons vu noyer le corps de l'homme, précédé de La peur du froid, et on a commencé avec Précis de dynamitage pour quelques arbres à abattre. Esker Mika, c'était spécial, j'avais l'impression d'avoir entendu comme 20 pièces différentes pendant les 15 dernières minutes, mais non, c'en était trois. Est-ce qu'Amika, né du désir de construire des chansons aux influences post-rock tout en y insufflant la langue française? Est-ce qu'Amika existe depuis près d'un an et demi? TNT Conifère, un mini-album artisanal confié aux bons soins de Rémi Gosselin, mieux connu sous le nom de Two French Notes, et de Harris Newman. Le disque qui combine murs de son et pop aux ambiances rêveuses et éthérées, disent-ils, allie les influences nordiques et anglo-saxonnes de la formation à la langue de Régent Ducharme. Enfant de l'hiver, issu d'aucune famille, agence ou autre clique, notre aventure commence maintenant. Disponible pour adoption, nous nous nourrissons et nous inspirons de Apple Seedcast, Yesayer, Armand Méliès, Mice Parade, 65 Days of Static, Dominique A, Beirut et plusieurs autres. Présentement, nous préparons quelques nouvelles pièces et nous nous attardons à la trame sonore de vidéo d'art qui sera présentée au Flickering's Film Showcase de Bushell en Illinois. Donc, TNT Conifère, c'est leur plus récent maxi sorti il y a quelques... En fait, ça dit mars 2008, on vient de le recevoir cette semaine assez fou. Avant ça, ils avaient sorti La peur du froid, mini-album démo en novembre 2006. MySpace.com/Escarmica ou encore Escarmica.com. Jean-Philippe à la voix et à la guitare, Jean-François à la guitare, Jean-François à la basse, Jean-Frédéric au piano et Yannick, non pas Jean-Yannick, à la batterie. Donc Escarmica.com, passez par le site de l'émission au www.unechance.com si vous voulez retrouver le lien plus facilement, www.unechance.com. C'est là aussi que vous pouvez télécharger la balado-diffusion de l'émission au complet en MP3. Vous écoutez le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois. En même temps que vous, on les déballe, on les écoute dans l'ordre des pièces sur le CD. On fait comme dans un vrai poste d'écoute, dans un magasin. Et le prochain disque qu'on s'en va entendre, c'est une formation canadienne de Toronto. Voici Videotape et Night Lights. Poste d'écoute, 89.1 FM, cfou.ca, dans vos oreilles. Oh que oui, madame. We are talking like fools, biting each other's calls. Say the wrong thing or we can laugh at them all. We can take them for free before we take all the falls. Knowing the answer is not what we want it to be. It's okay. It's okay. Videotape avec Smiley Heads, précédé de Night Lights, de leur hippie. Non, album complet, qu'est-ce que je raconte? My Favorite Thing, c'est le nom de l'album. Pas sûr de Videotape. Pas certain, je sais pas quoi en penser. Ça fait garage un peu. Un groupe de Toronto, Canada. MySpace.com/videotape. C'est leur site web. Allez les voir ou encore vidéo-tape.ca. Les membres sont Adam Saikeli, Nathan Guerra et Ryan Patterson. Sur leur MySpace, il y a plusieurs pièces à entendre, dont Nightlight et Smiling Heads. Videotape, un groupe de Toronto, comme je le disais. Si vous aimez Animal Collective, My Bloody Valentine ou The Velvet Underground, c'est ce qu'ils disent. Vous allez les aimer. On retourne aux francophones, c'est Georges Moustaki qu'on s'en va entendre avec son nouvel album Solitaire. On commence avec la pièce Le temps de nos guitares. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois. On sait vraiment pas ce qui s'en vient au 89.fm. Au joli temps de nos guitares, Brassens criait gare aux gorilles, Sacha parlait de sa famille, Maxime était né quelque part, Dylan était comme Pierre qui roule, et Brel faisait valser Vesoul. Allez, chauffe Marseille. Paco rythmé à galopard. Au temps joli de nos guitares, au joli temps de nos guitares, Leclerc chantait, moi mes souliers ont beaucoup voyagé, Le Marc un petit cordonnier, Darnal fredonnait le soudard, qui disait. Coluche ressuscité bruyant, Joël était adolescent, c'était Ferra, c'était Béa, le temps joli de nos guitares, au joli temps de nos guitares, au frais chanté Santiano. Risser la servante du château dans ses gros sabots, c'était Péré Sylvestre Ivar. Robert venait de Montréal, vient Jacques de son doué natal. C'était Gainsbourg avant Gainsbourg, le temps joli de nos guitares. Au joli temps de nos guitares, Brassens criait gare aux gorilles, Sacha parlait de sa famille, Maxime était né quelque part, Henri chantait sa chanson douce, c'était lui notre maître à tous. Moi je vivais comme un lézard, au temps joli de nos guitares. Il y en avait tant et tant que j'en oublie, c'est évident. Que l'on pardonne à ma mémoire du temps joli de nos guitares, du temps joli de nos guitares, du temps joli de nos guitares. Nous étions comme frères et sœurs, tout en tendresse et en douceur. Sorellina, nous étions comme deux jumeaux qui s'entendaient à demi-mot. Sorellina, nous étions comme deux amants qui se chérissaient chastement. Incestueuse et innocent. Sorellina. Puis l'âge adulte est arrivé, il n'était plus temps de rêver. Sorellina. Tous les hommes t'ont regardé, l'un d'eux a voulu te garder. Sorellina. Et quand je t'ai vu t'éloigner, il a fallu me résigner. Sorellina. À n'être plus le préféré, comme un idiot j'en ai pleuré. Sorellina, maintenant nous avons vieilli, mais jamais nous n'avons failli. Sorellina, à la tendresse et la douceur qui unissaient nos âmes sœurs. Chaque fois que je te revois, c'est comme la première fois. Sorellina, et tu me laisses t'enlacer, et tu me laisses t'embrasser. Dans une jupe mini, qui nous montre ses gambettes. Qu'y a-t-il de plus joli qu'une fille à bicyclette? À Lyon ou à Paris, sur le quai de la Joliette. Elle ne craint rien ni personne, imprudente, elle se faufile entre les automobiles qui râlent à coups de klaxon. Qu'y a-t-il de plus joli qu'une fille à bicyclette? Dans les rues de l'île Saint-Louis et dans toute la planète. Qu'y a-t-il de plus charmant qu'une fille à bicyclette qui s'en va vers son amant en tricotant des gambettes? Le vent caresse son visage, il ébouriffe ses cheveux. Le vent fait des envieux en effleurant son corsage. Devant, sans ménager sa peine, elle pédale à perdre haleine et murmure en souriant: merci, monsieur Bertrand. On va entendre les trois premières pièces du nouvel album de Georges Moustaki, Une fille à bicyclette avec Vincent Delerme, Sorrelina, et puis on a commencé avec Le temps de nos guitares. Georges Moustaki, nouvel album solitaire, le grand retour d'une légende vivante de la chanson, dit EMI Music. 9 nouvelles chansons, dont des duos avec Stacey Kent, Pink Martini, Cali et Vincent Delerme. Il va être en spectacle au Québec le 10 juin à Québec à la salle Albert Rousseau, oui, et les 12, 13 et 14 juin à Montréal au Théâtre Outremont. Solitaire, son nouvel album propose 9 nouvelles chansons exceptionnelles et 3 relectures de ses chansons emblématiques. Solitaire est un album réalisé et arrangé par Vincent Segal qui travaille avec Bomcello, Agnès Jaoui, M. Sushila Raman. Voilà donc pour Georges Moustaki, son nouvel album Solitaire. On retourne du côté anglophone pour aller entendre une Canadienne. Je viens de voir le genre dans lequel elle est. C'est du alt country. On va voir. Pour les fans de Lucinda Williams, Gillian Welch et The Jayhawks, voici Christina Martin et Two Hearts. On découvre ça pour la première fois en même temps que vous ici dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Where do we go from here? I just don't know, my dear. How do we get to this? It ain't the tears I miss, yeah. I know your feet are sore, I know, and my heart is full, I know. Skip to the beat, I know. Oh, I still believe in Yeah.

moi tout équipe. Prince Play avec 5 cassettes. Précédé d'Il était deux fois et l'intro appel entrant. Oh, j'ai bien aimé ça, Prince Play. Je m'attendais pas à ça quand c'était écrit rap dessus. C'est très, très bon. Du rap qui sort le 27 mai. Il reste 3 jours, là, si vous écoutez le vendredi. Ils viennent de Montréal. On va lire un petit peu sur eux. Pourquoi pas, le nouveau groupe Prince Play est fier de présenter son premier album éponyme très attendu. Dès le 27 mai. Qui au Québec n'a jamais entendu parler du collectif Attache Tatuque, récipiendaire de plusieurs prix, dont le Félix de l'album Hip-Hop de l'année au Gala de la Disque en 2006, gagnant pour la même catégorie au Gala Gamique en 2005, ainsi que plusieurs fois victorieux au Gala Montréal Underground pour l'album Deluxe. Ils ont été invités par les plus grands festivals de musique de la province dû à leur performance scénique légendaire. Après 9 années enrichissantes passées au sein de ce désormais défunt collectif, 4 artistes inondés par le besoin urgent de continuer leur quête d'un son sale propre à eux décident de former un nouveau groupe. La formule est simple. Pace Play égale 2 super DJs, Nice et FX, plus 2 super MC, RU et Egypto. L'alter ego de DJ Nice, Toast Dog, s'occupe de concocter dans son laboratoire une trame sonore fortement inspirée par les années 80. On parle bien sûr de la période musicale située entre 22080 et 22090, sinon celle issue du 20e siècle, disent-ils, époque archaïque où la supramusique n'existait pas encore. Pendant ce temps, via leur phrasé distinctif, ils s'affairent à superposer aux différents amalgames sonores des textes dépeignant des univers tantôt réels, tantôt surréalistes, récités à travers des rythmiques hétéroclites. Il en découle un rap cru aux multiples degrés, où l'ego trip flirte avec l'autodérision. Pace Play, un nouveau règne est né, celui de la forme triangulaire pointant vers la droite, symbole ultime d'une simple proposition. Écoutez, vous verrez bien ce que ça vous dit. Allez voir le myspace.com/PAYZPLAY ou paceplay.com. Et dans la deuxième heure, on écoute du Run Chico Run et les risques du plasmique. Restez avec nous. Deuxième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés en même temps pour la première fois, là, en même temps que vous pour la première fois, c'est bien ça. Oui, j'ai aucune idée ce que je fais. Regarde ça, il y a un disque ici, puis je sais même pas c'est quoi. C'est celui-là ici, je sais même pas c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et on commence avec quelque chose que je sais que j'aime. C'est une formation que j'ai découvert la première année que je travaillais, c'est fou, là. 2004, première année du poste d'écoute. Ça fait longtemps, j'ai adoré ça, ça m'a marqué. C'est Run Chico Run, leur nouveau EP maxi s'appelle Rocket Surgery. Et tout de suite, voici la pièce Slow. Slow. Mettez-vous dans l'ambiance, c'est vraiment spécial du Run Chico Run. c'est fou, fou. La seule radio musicale, gale, depuis 10 ans, 10 ans, 10 ans. 89.1. times I thought we'd see crying. Chico Run avec la pièce What Ha, précédé de Ghetto Treat et de Slow. Il vient de leur nouvel album Rocket Surgery, c'est un maxi. Et sérieusement, moi, c'est mon style de musique préféré, j'adore ça, je capote là-dessus depuis que je connais Run Chico Run. Donc c'est très amusant de découvrir ce nouvel album en direct en même temps que vous. C'est génial. Il y a trois autres pièces sur l'album et je vais certainement les passer dans mes autres émissions. La connexion, les palmarès, c'est fou. Donc, soyez à l'écoute de ça pendant les prochaines semaines. Deux hommes qui osent faire le travail de cinq personnes. C'est bien Ron Chico Ron de Victoria en Colombie-Britannique. Donc, Rocket Surgery, selon le nom de leur nouvel album, c'est sorti à la mi-avril. On vient de le recevoir ici à C'est Fou. myspace.com/RunChicoRun ou runchicorun.com. Ils se disent du healing and easy listening expérimental tropical. Sue the Boner, Skillsa et Big Bird. Apparemment, les membres du groupe. Donc, Run Chico Run, myspace.com/RunChicoRun. C'est certainement un de mes... trois albums préférés pour... En tout cas, on va voir jusqu'à la fin de l'émission. Il reste encore une bonne heure 45 pour retrouver de bonnes choses, mais c'est dans le top 3 jusqu'à maintenant. On passe à du francophone. On retourne au francophone, en fait, pour redécouvrir quelqu'un qu'on connaît depuis le début du poste d'écoute. Il nous envoie des albums une fois par quelques mois. Ça a commencé à faire longtemps qu'on n'avait pas reçu quelque chose de lui. C'est Claude Giroux et ses résidus plasmiques. Là, il nous a envoyé l'album industriel. Lui, il fait des albums à thème. Il peut y avoir un album sur la fin des classes, sur la Saint-Valentin, sur l'Halloween, sur Noël. Peu importe. Là, c'est l'album industriel. Donc, c'est tout le temps l'industrie de quelque chose. Là-dessus, il y a l'industrie du nez brun, des comités, de la cause, de la sécurité, des matantes motorisées, des mononcles météo, de la consultation, des algues bleues. Mais on va écouter les trois premières pour rester dans le thème du poste d'écoute où on écoute tout le temps les premières pièces de l'album, comme dans un vrai poste d'écoute. On entend les pièces l'industrie du malheur d'autrui, précédée de l'industrie du journalisme sérieux, mais on commence avec l'industrie de la nostalgie tout de suite. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la toute première fois en même temps que vous. Quelle belle mission au 89 FM. Bonne affaire, pépère. Ils sont des millions qui n'ont rien d'autre à faire que de regarder par en arrière. T'en souviens-tu quand tu étais ticu? T'en souviens-tu? Te souviens-tu des méchants communistes? Ils avaient des bombes, ils voulaient faire sauter le monde. Dominait l'espace et l'espoir, hélas. Les méchants communistes, les méchants communistes. Ils étaient costauds, parfois barbus. Ils avaient des tracteurs, nous étions perdus. Mais heureusement, on avait la démocratie. Mais heureusement, on avait le mariage. Le mariage.

y a des codes d'écoute là-haut. Pourvu qu'ils sautent avant l'heure de tomber, il faudrait du sang pour le journal télévisé. Saute, fais du bruit en tombant pour la radio. S'il reste du temps, tu pourras dire un ou deux mots. Comme c'est pas drôle d'être gros, c'est pas drôle d'être vieux, c'est pas drôle d'être moche, vache, capricieux, radoteux. C'est pas drôle d'être triste, c'est pas drôle d'être gay, pas moyen de déroger dans cette belle société. Par divorcer enfin, il y aura toujours une place dans mon cœur pour le malheur qui est ailleurs. Il y aura toujours une place dans ma vie pour le malheur d'autrui. Mercredi matin, un grand quotidien dévoile le drame. Monsieur Singh de Bias a perdu son chien. Oublions la planète. Et recherchons ce brave gamin. Jeudi midi, la radio génie déplore la mort d'un grand quétaine d'hier. C'était un magnifique tombeur de grand-mère. Il y aura toujours une place dans mon cœur pour le malheur qui est ailleurs. Il y aura toujours une place dans ma vie pour le malheur. Présente en primeur la dernière catastrophe, mettant en vedette les régions limitrophes. Claude Giroux et Cyrus Duplasmic avec l'album L'Album Industriel, oui. La pièce qu'on vient d'entendre, c'était L'Industrie du Malheur d'Autrui. C'était précédé de L'Industrie du Journalisme Sérieux et de L'Industrie de la Nostalgie, partant du principe philosophique que tout est une industrie, dit Claude Giroux. FamilleCG.com pour des MP3 de ses 19 albums, parce qu'on va lire sa lettre, vous allez voir. Nous vous présentons aujourd'hui ce qui serait environ le 19e album des Cyrus Duplasmic, selon des fouilles archéologiques et statistiques hautement approfondies et débordantes de précision. L'album industriel. Des milliers de troubadours de toutes les époques et de tous les lieux vont puiser leur inspiration dans l'amour avec un grand dollar et dans ses dérivés dollar, dollar, dollar. Les résidus plasmiques préfèrent lorgner du côté obscur de la force et s'inspire du principe philosophique lucidien qui dit que tout est une industrie. Le journalisme, une cible de choix cette fois, la nostalgie, une industrie qui grandit à mesure que la population ratatine, les comités, la nouvelle panacée du siècle, les consultations, les psys se portent de mieux en mieux alors que le peuple déprime de plus en plus, les grandes causes humanitaires, on dirait que tout le monde fait quelque chose pour une cause de nos jours, comme faire un marathon dans la Garnotte pour amasser des fonds pour l'association des pieds plats ou sortir ses déchets sur le bord de la rue pour la fondation des bouchées chroniques. Sans oublier les valeurs sûres éternelles comme la sécurité, les mononcles, les matantes et la météo. Et c'est toujours gratuit en MP3 sur le www.famillecg.com. Ça, c'est une lettre signée de la main de Claude Giroux, www.famillecg.com. J'ai été voir et il parle déjà de l'album industriel là-dessus, donc... Très bien organisé, ce Claude Giroux. Les résidus plasmiques sont aussi sur les produits du terroir, quebectorrent.com, download.com, last.fm, easyfolk et monkfunk.com, myspace.com et sur YouTube. Il est partout, ce Claude Giroux, avec ses résidus plasmiques et l'album industriel. Voilà. On change de style, mais complètement, pour aller entendre de l'alternatif. C'est la formation Caesars avec leur album Strawberry Weed. Deux CD là-dedans, bel emballage, belle pochette avec découpure de photos. C'est très, très sépia. Voici la première pièce du premier CD, c'est Fool's Parade. Ça commence maintenant dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés pour la toute première fois, en même temps que vous, au 89.1 FM. Oh que oui, ça c'est dans vos oreilles. D'autres pièces des Caesars au retour dans le poste d'écoute, l'émission des découvertes musicales du 89.1 FM. waking up. All I sense is an empty head. What I got? Just papers that I left unread. I hear the sound against the street as it starts to rain, pouring down, but it can't wash away the shame. That's alright, I'm alright. Cause I see, baby, I can see we can do whatever. You and me, we are free to go, free to go wherever. We may please and we're free to break, break another heart. And you know, baby, we're all free, free to play our parts. Spinning round, I don't know where to put my feet. I hit the ground, I guess it's time to change my sheets. I know too well, this business ain't about being fair. I can tell, you can never really be prepared. That's alright, can do whatever. You and me, we are free to go, free to go wherever. We make peace and we're free to break, break another heart. And you know, baby, we're all free, free to play our part. You are getting old. You've searched but you've never found your goal. You tell me, buddy, about that sorrow that you don't care about no tomorrow. You tell me all about all that trouble. You see life through an empty bottle. But I can see that she's getting high. Tell me about all your broken dreams, but things ain't ever just what they seem. Formation Caesars avec une pièce qui s'appelle She's Getting High, précédée de Waking Up et de Fool's Parade, les trois premières pièces de leur nouvel album Strawberry Weed. C'est un groupe suédois, ça, Caesars. Ils font du power pop. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. myspace.com/Caesars, C-A-E-S-A-R-S. Ils ont écrit une longue, longue biographie. On dirait que les groupes ne comprennent pas que dans une station de radio, une longue biographie de même, c'est intéressant quand tu veux faire une entrevue, quand tu veux parler du groupe, tu n'as même pas envie de la lire. Caesars, leur album, je le rappelle, c'est Strawberry Weed. Si vous voulez aller vous informer, le lien est sur le www.unechance.com. On passe à un autre groupe alternatif qui, lui, s'appelle Dystopia. Leur album s'appelle Midnight Juggernaut. C'est tout de suite, voici Ending of an Era, précédé de l'introduction de l'album. Parce qu'on aime ça. Vous syntonisez le poste d'écoute, c'est l'émission qui découvre les nouveautés pour la toute première fois en même temps que vous. On les déballe, on les ouvre. T'sais, on en reçoit des dizaines à chaque semaine. Sérieusement, cette semaine, une grosse semaine. Grosse semaine. Quarantaine, je sais pas. C'est beaucoup. À un moment donné, c'est presque trop. On pourrait peut-être étaler les disques à travers l'année, groupe, tu sais, s'il vous plaît. Pas tout en même temps. Il y a des semaines où on n'a rien du tout, puis il faut qu'on passe 12 pièces, de chaque album. En tout cas. Pause d'écoute. 89 FM, c'est fou.ca, c'est fou dans vos oreilles. Ah. Sound of silence. Into the galaxy.

the passing of an age of return. It's a story that we beckon. It's a story and it ain't gonna end. La formation Midnight Juggernauts avec les quatre premières pièces de leur nouvel album Shadows. Avant ça, c'était Into the Galaxy, Ending of an Era et puis l'intro, ça vient de leur album qui s'appelle Dystopia. Tantôt, j'avais versé le nom de la formation et le nom de l'album. Donc voilà, la formation, c'est Midnight Juggernauts. Leur site web, c'est myspace.com/MidnightJuggernauts ou MidnightJuggernauts.com. Ils viennent de Melbourne. De Melbourne. Voilà. Indie psychédélique. C'est marqué Melbourne, Victoria, Afghanistan. C'est ce que ça dit sur leur MySpace, je sais que c'est pas ça. Melbourne, c'est en Australie, c'est bien ça. Australie. Ouais, il me semble que c'est ça. Et donc, Midnight Juggernauts, restez avec nous parce que dans la troisième et dernière heure, je vais recevoir Geneviève Beaulieu-Veilleux. De quoi vas-tu nous parler plus tard, Geneviève? Je vais vous parler de Dike Ibomeka. Dike Ibomeka. Ouais, c'est assez original comme nom. Je vous en dis pas plus. On va regarder ça ensemble tout à l'heure. Un peu de suspense. Oh, ça fait toujours du bien. On va aussi entendre tantôt du Old 97s avec Blame It on Gravity, tout ça dans la troisième et dernière heure du poste d'écoute. On découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous au 89.1 FM. Troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la toute première fois en même temps que vous. Et cette troisième heure commence avec la visite de Geneviève Beaulieu-Veilleux pour sa chronique Je découvre. Bonjour Geneviève. Ben bonjour Mathieu. Tu vas bien comme toujours? Oui, je vais bien. Rayonnant. C'est un peu déprimant dehors, mais je vais essayer d'être un petit rayon de soleil dans le studio. Ah, c'est tellement beau, mettre un petit peu de soleil dans vos oreilles. Eh oui. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je découvre Dike Ibomeka. Alors ça, c'est un chanteur canadien qui est en train de se tailler une place de choix dans le paysage du jazz aux côtés des Diana Krall, Holly Cole et Michael Bublé. Son premier album a été lancé en 2006. Il s'intitulait Love Stories. Il a connu un grand succès autant au Canada, en Angleterre qu'en Europe. Dike a même fait une tournée mondiale de 2 ans suite à cet album-là. Très attendu, son deuxième album nous est arrivé le 19 mai dernier et s'intitule I'm Your Man. Alors, les pièces qui se retrouvent sur cet album-là de Dike Ibomeka sont en majorité des grands classiques de la chanson, comme God Bless the Child ou These Foolish Things. En son ensemble, l'album, c'est un bon produit de jazz, la voix est toujours juste et appuyée, il y a une belle orchestration, l'émotion est très présente. Il y a un beau choix de pièces aussi. J'ai rien de négatif à dire au sujet de l'album. Si vous avez envie de vous laisser charmer par le grand chanteur, parce qu'il mesure 6 pieds 7, attachez-vous bien. Oui. Et si vous avez envie de vous laisser charmer par le son magique du saxophone, que je trouve que c'est un très bel instrument, alors cet album-là, c'est fait pour vous. Pour vous cet été lors de vos soupers de détente ou pour une nuit de romance. À noter aussi que Ibomeka sera en prestation au Lula Lounge à Toronto en Ontario le 27 mai prochain, le 11 juillet au Waterloo Jazz Festival à Waterloo en Ontario et le 7 août à Oshawa Jazz and Blues Festival à Oshawa, toujours en Ontario. Alors, on va écouter tout de suite, sans plus tarder, 3 pièces de DK Ibomeka, soit These Foolish Things. Ensuite, on entendra You Turn the Tables on Me et finalement I Put a Spell on You, toutes tirées de son deuxième album I'm Your Man. On vous fait ensuite un petit retour là-dessus. Restez là, vous êtes en compagnie de Geneviève Beaulieu-Veilleux dans le poste d'écoute à C'est Fou 89,1. Cigarette that bears of lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings, these foolish things remind me of you. Thank you.

spell on you. Because you're mine, you'd better watch what you do. I'm not lying. You know I can't stand it, the way you put me down. But I don't care, my baby, I'll always be around. Put a spell on you, cause you're mine. I put a spell on you. Yes, I'm warning you. Because you're mine, because you're mine. You'd better watch every little thing that you do. I promise you, I'm not lying, I'm not lying. No, I love you, I love you, I love you anyhow. Really don't care if you don't want me. Babe, I'm yours right now. Put a spell on you. You're Alors, de retour à C'est fou 89,1. Les gens sont pas partis, je pense, par contre. Ils étaient là. Non. Non. Moi, je dis c'était un retour, là. On était partis, on était ailleurs. On était là, nous. Non, non, non, non. Je parle avec la voix. On était. On était transportés, Mathieu, tu comprends? OK, je t'explique comment on fait ça. Qu'est-ce qu'on a entendu, Julien? Dans nos pensées. On a entendu Dike Ibomeka. Alors, nouveau venu sur la scène jazz canadienne. Je pense que, ouais, il est là pour rester. Il y a de l'avenir. Il est bon. Il est on beau. Aime ça. Aussi, mais les gens le voient pas, ça, ah. Mathieu. Bon. Mais ouais, un grand gaillard. 6 pieds 7, on rappelle. Ouais. C'est ça. Donc, Dike Ibomeka, I'm Your Man, c'est le nom de l'album. Mais Geneviève, ouais. C'est ton nom à toi. Beaulieu-Veilleux, c'est ton nom de famille. Aux dernières nouvelles, ouais. C'est ce qu'on me raconte. Et la semaine prochaine, j'aimerais toujours m'appeler Geneviève aussi. On va et voir. Et je serai toujours là avec vous le vendredi, souvent à la troisième heure. Ouais. Ouais. Ouais. Bon, donc, Geneviève Beaulieu-Veilleux, merci beaucoup. À bientôt. Mais merci. À la semaine prochaine. Bye-bye. À la bye. Semaine prochaine. Nous, on continue avec une formation qui s'appelle Old 97s. Leur album, c'est Blame It on Gravity. Et tout de suite, voici The Fool dans vos oreilles au 89.1. FM, c'est fou.ca, partout dans le monde. He came from Phoenix in a borrowed VW bug to be somebody or just be somebody who came from Phoenix in a borrowed VW bug just to prove that he was on her like she was a drug. Hallucinogenic with no hangover at all. Kept quarters in a jar and a drawer and a desk and receipt her baby deep in the valley girl. She will give him what he wants if he will only ask. He will give her what is left of his life in this mess, which will end in no time at all. There is love everywhere you go, but it is never enough. Tragic fate in an automobile with a relatively innocent young girl who would be blamed all the fates at behind the wheel just to prove the point that nothing is real except the very thing that she can't believe at all. And there is love everywhere you go, but it is never enough. Sit out. You got to be a fool to place where they don't love you. I do tan in the pale moonlight. Your eyes are wide and the band plays. Everybody wants you. He takes your hand tenderly and he whispers, sweet surrender. Nothing is how he feels about girls like you with your flip-flop smiles and your big blue eyes on vacation. Dance with me into the ocean. Roll with me into the sea. Don't tell me the world is in trouble. Do you want to dance with me? Changes hands as the big waves crash and the dream don't die, but I do. Where were you when I needed you right now? The telephone just rings, I cannot find you. Dance with me into the ocean. Roll with me into the sea. Don't tell me the world is in trouble. Do you want to dance with me? Oh, do you want to dance with me? Underneath the pouring sun with a foreign man who's gone and almost forgotten. Drink everything you see and remember us and wonder if you will be forgiven. Dance with me into the to the sea. Don't tell me the world is in trouble. Don't tell me the world is in trouble. Dance with me into the ocean. Roll with me into the sea. Don't tell me the world is in trouble. Do you want to dance with me? Do you want to dance with me? C'est fou dans vos oreilles. The lights were low, but I was lower. The radio was playing somewhere else. Room was full of surface tension. I was only thinking about myself. No baby I, no baby I, no baby I don't wanna see you hurt. You got them tears, they fall like pearls. Blame it on gravity, yeah. Blame it on being. Room was full of undertakers, movers and martini shakers gone. The Reaper left at 7:30, took off in a taxi with her blonde. The difference between us is way down on the inside. Tricky business. No baby I, no baby I, no baby I don't wanna see you hurt. You got them tears, they fall like pearls. Blame it on gravity, yeah. Blame it on being a girl. Blame it on gravity, yeah. Blame it on being a girl. Here's a toast to no good Friday. I was bound to do it my way wrong. Strum it on a Telecaster, sing it like a train disaster song. The difference between us is way down on the inside, and it's very tricky business. No baby I, no baby I, no baby I don't wanna see you hurt. You got them tears, they fall like pearls. Blame it on gravity, yeah. Blame it on being a girl. Blame it on gravity, yeah. Blame it on being a girl. All 97s avec la pièce No Baby I, précédée de Dance With Me et de la pièce The Fool, ça vient de leur nouvel album Blame It On Gravity. All 97s, un groupe de rock alternatif country, c'est ce qu'ils disent, de Dallas aux États-Unis. L'album est sorti depuis le 13 mai, on vient de le recevoir ici à C'est Fou. Les membres sont Rhett Miller, Ken Bethea, Murray Hammond et Philip Peoples. Old97s.com, old97s.com ou myspace.com/the. Old 97s, ils ont des tonnes et des tonnes, sérieusement des millions de spectacles qui s'en viennent. Tout ça, c'est sur MySpace. Il y a aussi des pièces à écouter, dont celle qu'on a entendue aujourd'hui dans le poste d'écoute. Old 97s, l'album, c'est Blame It On Gravity. On continue avec un album qu'on a reçu la semaine dernière qui s'appelle Anthems for the Damned de la formation Filter. Hein? Filter, officialfilter.com ou myspace.com/filter1. Tout de suite, voici la pièce titre Soldiers of Misfortune dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM, oh oui, Filter. Pas n'importe quel groupe, là. Tu sais, celui qui s'appelle Filter. Cif.ca pour nous écouter sur Internet. On passe. I'd like to break free from here. It's gotten clear. The reasons have Plus de Filter et The Green Hour Band dans le poste d'écoute dans quelques minutes. Yeah. formation américaine Filter avec leur nouvel album Anthems for the Damned. Ça, c'était la pièce The Wake, précédée de What's Next et de leur pièce Soldiers of Misfortune. Filter, qui existe depuis 10 ans, même plus que ça, ça existe depuis 1995, donc 13 ans. Richard Patrick, Mitchell Marlowe, Mika Fineo et John Spiker sont dans ce groupe. Ils vont être en spectacle à Woodstock en Beauce le 27 juin à Montréal. Donc Woodstock en Beauce, gros événement. Groupe californien alternatif rock industriel Filter. L'album, encore une fois, s'appelle Anthems for the Damned. C'est disponible depuis la mi-mai. Mimé. On fait des mimes à la radio. Prochaine formation qu'on va entendre, c'est une formation canadienne, The Green Hour Band, dans le poste d'écoute. Vous savez qu'on découvre les nouveautés pour la toute première fois en même temps que vous, donc c'est très très spécial. Ce qu'on fait, c'est qu'on déballe les CD, on écoute les premières pièces. Je vais vous décrire la pochette de celui-là. C'est bizarre, il y a comme des billes en forme d'étoile. C'est tellement joli, juste des billes. Ça fait drôle comme ouverture. On commence avec la pièce Yesterday's Tomorrow, mais c'est précédé de l'introduction de l'album. Dans le poste d'écoute, pour encore une quinzaine de minutes dans vos oreilles au 89.1 FM. Thank you. can never come and clean. You act so sweet, but you treat them so mean. Now I gotta leave this backwards scene. The Green Hour Band avec The Clock Tower's Request, précédé de Understand, de Yesterday's Tomorrow et puis l'intro du disque au début du bloc. The Green Hour Band, un groupe de psychédélique pop de Vancouver en Colombie-Britannique. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Très, très bon. Thomas, Randy, Nick et James sont les membres du groupe myspace.com/The Green Hour. C'est leur site web myspace.com/The Green Hour. C'est déjà la fin du poste d'écoute pour cette semaine. J'ai aimé tellement de choses aujourd'hui, dont Escal Mika avec TNT Conifère. J'ai aimé aussi qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé Old 97s avec Blame It On Gravity, Pace Play avec leur album éponyme, les Caesars avec Strawberry Weed. Mon préféré, mon poste d'or cette semaine, l'album à conseiller, c'est Ron Chico Ron avec Rocket Surgery. Je vais vous faire jouer une dernière pièce Invisible pour terminer l'émission. Donc, c'est tout. Merci d'avoir été là, d'avoir découvert ces nouveautés avec nous. Merci d'avoir l'esprit ouvert un petit peu côté musical. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo. Ça, c'est les mardis à partir de 11h et les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à partir de 17h. Nous, le poste d'écoute, on est toujours en direct les vendredis matins à 10h. En rappel, allez voir le cifou.ca pour les rediffusions. On est aussi sur Internet au www.unechance.com. C'est là que vous pouvez voir tous les liens de l'émission et puis télécharger la balado-diffusion en MP3. De la part de toute l'équipe fictive du poste d'écoute, de la part de Marie-Ève que je salue bien bas comme ça. Faites attention à vos genoux, bonne semaine et bonne chance!